ne suis pas intéressé par la vie. Je dois me forcer. Donnez-moi l'adresse pour commander. La liste des médocs pour se tuer. Donnez-moi l'ordonnance à falsifier. Et 2 ou 3 jours de congé. Ça doit être pas mal de se tuer. Être certain de ne pas se réveiller. De ne pas vomir ce qu'on a avalé. Ne pas se retrouver hospitalisé. Pourquoi est-ce si dur de se procurer le médicament pour se délivrer? Je ne voudrais surtout pas me rater. Continuer à vivre et en plus handicapé. Je veux mourir. Mourir. Je ne veux pas vivre. Pas vivre. Je suis triste. Malheureux. Peureux. Je vous laisse la vie. Laissez-moi mourir. Je ne veux pas vivre malheureux. Je ne veux même pas vivre heureux. Comment vous dire? La vie, j'aime pas l'idée. Comment vous dire? La vie, je veux la quitter. La vie et moi, c'est un mariage forcé. On a toujours raison de se suicider. Mais pourquoi est-ce si compliqué? Je ne veux pas d'enfant, je voudrais même pas être né. Je vous défends de m'empêcher. Pour vous convaincre, je suis prêt à vous détester. Et croyez-moi, j'aurai pas à me forcer. Je vous hais, je me hais, je veux crever. Je voudrais tant pouvoir tout effacer. Le temps pourra me faire oublier. Et tout ce que j'ai enregistré, tous les concerts que j'ai donnés, finiront par s'abîmer, s'effacer.